Une radio haute décibels. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno Côté et Jean-François Lamarre. Et on va passer un beau deux heures ensemble en écoutant quelques nouveautés et aussi des rééditions qui sont parues récemment. Et parmi celles-ci, ben il va y avoir un petit peu de Gentle Giant, du Hawkwind, on va ressortir des vieilles choses. Du Nectar aussi, parce qu'il y a un nouvel album de Nectar qui s'appelle Time Machine. Et un petit autocollant placé sur le disque dit que c'est le meilleur album jamais fait par Nectar. Bon, disons qu'on va mettre un petit bémol là-dessus. Et on va écouter une pièce de ce disque-là qui s'appelle Time Machine, comme je l'ai dit. Et la pièce qu'on va entendre, c'est If Only I Could. Mais on va aussi écouter beaucoup plus tard une version de luxe de A Tab in the Ocean, d'ailleurs la pièce titre. Et sur cet album-là, on retrouve un US Mix qui date de 76. Et bon, c'est assez surprenant. Donc, c'est l'idée. Mon idée, c'était de mettre celle-là, mais l'édition originale, je pense qu'elle est beaucoup mieux. Mais on va débuter avant avec The Tangent, qui nous a surpris un peu avec un disque qui s'appelle Le Sacre du Travail, inspiré de l'œuvre de Stravinsky. Et donc, M. Andy Tillison, qu'on a vu l'an dernier à la convention Terra Incognita, nous surprend en sortant des albums quand même à un rythme assez effréné. Je pense qu'ils sont rendus à 7 disques en 10 ans, ce qui est quand même beaucoup. Si on compte que Andy Tillison est pratiquement seul à la composition. Donc, ce nouveau disque donc est plus dans... Moi, je dirais dans des sonorités qui est approche à Parallel or 90 Degrees, l'ancien groupe du monsieur. Ça sonne peut-être un petit peu moins tangent, quoi qu'on reconnaît malgré tout ses claviers, le son de ses claviers, même un petit peu, comment je dirais, un petit peu vintage, là, assez vintage même. On s'en est rendu compte à Québec l'an dernier, alors que tout son équipement a fait patate, si on veut. Mais ce qui surprend aussi sur ce disque-là, c'est qu'on retrouve ses anciens collaborateurs comme Jonas Ringgold, Théo Travis, ces gens-là étaient un peu disparus au profit d'une jeune génération assez prodigieuse. Luke Makin, en fait ça s'écrit Machin, mais j'imagine qu'on dit plutôt Makin, est un guitariste assez extraordinaire, mais aucune trace de ce monsieur là-dessus. Il y a même Jaco Jaxis, une espèce d'émule de King Crimson, qui se retrouve sur ce disque-là. Bon, on va arrêter d'en parler, puis on va l'écouter. La pièce qu'on va entendre s'appelle Evening TV, et ça fait partie de l'album Le Sacre du Travail. Ce sera suivi de Nectar avec l'album Time Machine. Thank you. Jams and supervisors. When are you seem so far away. You can't take it with you. Let's try just another day. We'll be right back.

Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Voici Mikey G en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, c'est Mikey G en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, la piscine est présentement vide, alors on a besoin de vous pour la remplir de fun. Venez nous rejoindre, Mikey. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, ben, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente, 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. Vous avez le goût de faire de la radio depuis longtemps? Vous êtes toujours à l'affût des nouveautés musicales et voulez partager vos découvertes avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2013-2014. Pour présenter votre projet, rendez-vous sur notre site Internet dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Faites vite, vous avez jusqu'au 12 août. Une expérience que vous ne regretterez pas. Premier arrivé, premier servi. Attention! Veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Et nous sommes de retour et avec un premier bloc qui s'est terminé avec Gentle Giant, comme je vous disais, avec un coffret qui s'appelle Memories of Old Days. Et bon, vous avez sans doute remarqué que la qualité n'était pas optimale. C'est une pièce qui vient de répétition en tournée et ça date de 1977. La pièce qu'on a entendue, c'est Free Hand, de l'album du même nom. Et c'est pas la pièce complète, on voit que c'est un extrait qu'on retrouve sur cet album-là. C'est un album quintuple, il y a 5 disques là-dessus. On dit qu'il y a des pièces qui viennent, en fait des blocs là, qui viennent intégralement de un autre coffret qui est paru il y a plusieurs années, en fait 2004, qui s'appelait Scrapping the Barrel. Mais il y a plusieurs titres. J'ai l'impression que c'est une erreur parce que je retrouve des titres sur ce disque-là et je regarde Scrapping the Barrel, je les retrouve pas du tout. Et majoritairement, l'autre coffret, c'était des extraits assez courts, là, souvent des 25, 30, 40 secondes. Et dans ce cas-ci, c'est plus généralement des pièces beaucoup plus longues. Et bon, vous avez remarqué que ça faussait un petit peu par moment. Et c'est, disons, un document là, qui conserve une pertinence, là, parce que c'est des pratiques de tournée, mais il y a aussi des extraits de concerts, mais ça s'adresse, disons, en premier lieu aux fans avertis, et c'est paru cette semaine. Donc c'est quelque chose qui date de 2013, ça, c'est paru récemment. Et juste avant, c'était Nectar avec If Only I Could. Et comme je vous disais, Monsieur Roy Albrighton dit que c'est le meilleur album jamais paru. Plus tard, on va écouter une pièce de Tab in the Ocean et vous serez à même de constater en fait, de vous faire votre propre idée sur la question. Et sur ce disque-là, qui s'appelle A Time Machine, on retrouve Billy Sherwood, qui est à peu près partout ces temps-ci. Et Billy Sherwood, sauf qu'il n'est pas à la composition, là, mais c'est lui qui fait le mix, c'est lui qui fait ben, finalement presque tout, puis il joue de la basse sur ce disque-là. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté pop là, qui est, bon, disons que c'est pas du grand acteur tant qu'à moi, mais comme je l'ai eu cette semaine, on va prendre le temps d'écouter ça comme il faut, puis on pourra s'en reparler un peu plus tard dans le courant de l'année. On avait débuté avec The Tangent. Et on va poursuivre avec quelque chose qui, à mon sens, est plus intéressant. C'est Bruce Sword, qu'on a bien connu avec Pineapple Thief, qui est assez prolifique aussi. Et il s'est allié avec Jonas Renkse. C'est le chanteur du groupe Catatonia, qu'on a entendu ici il y a quelques semaines. Et l'album s'appelle Wisdom of Crowds. Et c'est aussi, si on veut, le nom du groupe qui se sont donné, si on peut appeler ça un groupe, parce que c'est un duo, les deux font à peu près tout là-dessus. Et ça se compare, disons, à des choses comme, bon, peut-être un petit peu de Steven Wilson par moment, donc ça a un côté atmosphérique. Il s'est éloigné un petit peu du côté Pineapple Thief, peut-être. Et il n'y a pas de chant métal, c'est plutôt du chant style de ce qu'on retrouve sur Catatonia, sur son dernier album. Et on va écouter aussi une réédition du groupe Hawkwind, avec son album mythique Warrior on the Edge of Time, qui est paru, lui, en 75. Et on vient de faire, ben, en fait, il y a quelques semaines, on a fait paraître un coffret de trois disques. Et ce qui est intéressant, c'est que Steven Wilson, encore lui, a fait un nouveau mix de l'album au complet. C'est ce qu'on retrouve sur le deuxième CD. Et on retrouve ça aussi sur le disque 3, qui est un DVD. Donc on retrouve une version 5.1 de tout ça. Et ça contient une multitude de bonus tracks. Il s'est présenté dans un beau petit coffret en carton. C'est ultra chic. Donc on va entendre une pièce qui vient de ce disque-là, qui s'appelle Assault and Battery de Golden Void. Mais ça, c'est en fin de bloc. On débute avec Wisdom of Crowds. Thank you. Good this time. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Eh oui, c'est KRL 89.1, c'est l'émission Terra Incognita qui se poursuit. Ce dernier bloc s'est terminé, comme je l'avais dit précédemment, par Hawkwind, Warrior on the Edge of Time. Deluxe édition avec deux CD et un DVD, dont un remixé par Steven Wilson. La pièce qu'on a entendue, c'est Assault and Battery et The Golden Void, en fait, c'est mixé ensemble. Juste avant, c'était Pierrot Lunaire avec la pièce Overture 15. Lunatic Soul, juste avant, avec Out of a Limb. Et on avait débuté avec Wisdom of Crowds. Et je trouve que les deux premiers étaient un petit peu dans le même mood. Moi, je trouve ça intéressant, Wisdom of Crowd, avec le leader de Pineapple Thief, Bruce Sword. Et on va poursuivre avec Osada Vida. Vous vous souvenez à quel point j'étais emballé par le disque précédent? Malheureusement, ce groupe polonais a pris une drôle de tangente avec Particles. Moi, je trouve qu'ils ont un côté pop un petit peu fadasse sur ce disque-là. En fait, je l'ai écouté, je l'ai eu cette semaine, je ne l'ai pas écouté tellement de fois, mais disons que la première impression est assez ordinaire, disons. On va écouter, tant qu'à moi, la moins pire, qui s'appelle David Wasp. Et c'est probablement le dernier extrait qu'on entendra. Par la suite, ce sera Sangin Hum. Moi, je trouve ce disque-là beaucoup plus intéressant, The Weight of the World. On va entendre la pièce In Code. C'est un groupe qui fait dans la musique, je dirais, un petit peu atmosphérique. Mais on parlait tantôt de Steven Wilson, Porcupine Tree. On voit que ce groupe-là fait encore des émules. Et Sangin Hum, tant qu'à moi, est aussi dans ce mood-là. On va poursuivre ensuite avec Blackmore Nights et Dancer and the Moon. Une nouveauté qui s'appelle Carry On John. Et c'est le groupe évidemment de Richie Blackmore avec sa conjointe Candice Knight. Et je pense que M. Blackmore avec ce disque-là fait peut-être un petit peu de surplace. C'est sûrement pas mauvais. Mais il me semble qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus d'évolution. Et ce bloc se terminera par le groupe québécois de boxe qui a fait un très très bon disque, l'Orla, inspiré de Guy Maupassant. On va entendre une pièce qui s'appelle « J'ai vu ». We'll be right back. Thank you. je n'ai pas pu accomplir cet acte de liberté si simple, si facile. Quelque chose contrôle mes pensées et pas celles de mon âme. Je ne suis plus qu'une ombre de moi-même, esclave et terrifié. Serais-je donc en train de perdre la raison? je tends soudain dans l'obscurité. Seul un rayon de lune pénétrait par ma fenêtre ouverte. Tout redevint calme et je pus à nouveau me voir dans la glace. Il s'était donc enfui dans la nuit noire, vulgaire cambrioleur. Je compris alors qu'à son tour, il avait eu peur de moi. Il allait donc falloir que je le tue. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée, 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Il paraît que CKRL, c'était une radio-école. J'ai bien dû la doubler une couple de fois, je suis encore là. Allô, ici Denis Barry, vous êtes encore en vie et c'est merveilleux. Bon, la machine ne veut pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Je vous invite à écouter l'opineur du chef tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui aimait et qui aime toujours. Le jeudi soir à 20h. C'est correct? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418 522 4373, labarberie.com. Et c'était The Box qui a terminé ce troisième bloc et on s'en va allègrement vers l'autoroute avec nos amis qui étaient là à 8h30. Je vous parlais tantôt de Nectar qui avait sorti A Tab in the Ocean dans une édition de luxe. C'est sorti cette année, il n'y a pas tellement longtemps, sur Purple Pyramid. Et là-dessus, comme je vous disais tantôt, on retrouve aussi un mix de cet album-là qui date de 1976 US Mix, alors que l'original, lui, date de 1972. Et bon, Nectar, pour faire sans faire l'histoire, ont passé pour un groupe allemand, mais parce qu'il était basé en Allemagne. Mais c'est un groupe anglais qui s'est mis à jouer en Allemagne et on a pensé que ça venait de là. Et ce disque-là, Tab in the Ocean, ben c'est un album mythique. En fait, toutes les pièces de ce disque-là sont vraiment excellentes et ça débute par la pièce titre là, qui couvrait une face là, à l'époque. Et c'est vraiment très bon. C'est ce qu'on va entendre. Je pensais mettre le 76 US Mix, mais honnêtement, je trouve ça un petit peu décevant. Je trouve que le choix original était beaucoup plus intéressant. Donc, on va s'en tenir à ça. Et par la suite, on va entendre une pièce de Steve Hackett qui vient de son Tokyo Tape, qui lui aussi est ressorti en édition de luxe. C'est ressorti il n'y a vraiment pas longtemps. Et on retrouve All Along the Watchtower, qui est une nouvelle pièce enregistrée en studio. Et c'est chanté encore une fois par John Whitten. Donc on y va avec tout de suite avec Nectar et Steve Hackett. Oh,

All Along the Watchtower, interprété par John Wetton avec le groupe de Steve Hackett sur l'album de Tokyo Tapes, qui vient d'être réédité sous forme de coffret avec le DVD. Ils ont repackagé tout ça ensemble et remasterisé. Et on retrouve en plus cette pièce-là qui a été enregistrée en studio. Et juste avant, c'était Nectar avec la nouvelle version. Ben en fait, c'est la même version, mais c'est dans un nouveau packaging de luxe de A Tab in the Ocean. Et tant qu'à moi, c'est autrement supérieur à l'album qu'on a entendu en début d'émission qui s'appelle Time Machine. On va réécouter tout ça comme il faut et donc on se fera une meilleure idée. Et on va terminer avec une autre pièce de Gentle Giant qui est extrait de ce coffret là, qui s'appelle Memories of Old Day. Et cette fois-ci, on va entendre Proclamation. Et c'est extrait d'un spectacle qui date de 1975 aux États-Unis. Restez à l'écoute, c'est presque terminé pour nous, mais Vincent et Jacques vont nous succéder avec l'autoroute. Alors Bruno, Jean-François, France et Jacques et Vincent vous souhaitent une bonne fin de semaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Voici Mike et G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike et G, je suis présentement j'ai plein de temps d'antenne avant. Vous êtes courageux.